échiquier des passions. Depuis qu'ils ont renvoyé Jimmy Carter à ses foyers, Ronald et Nancy ont retroussé les manches, mis les gants vaisselle et ont entrepris une opération de récurage intensif. Traduction en langage stratégique, les rouges qui se sont étendus de façon spectaculaire en de nombreux points du globe, Vietnam, Laos, Cambodge, Mozambique, Angola, Éthiopie, Nicaragua, auraient intérêt à numéroter leurs abattis, il y a de la contre-offensive dans l'air. L'opération est simple, elle consiste ni plus ni moins à inverser les valeurs de la décennie précédente. Comme l'Amérique cherche les siennes depuis belle lurette, ça sera une bonne occasion d'en retrouver. Les combattants de la liberté ne sont donc plus les rouges, mais ceux qui vont combattre les rouges. Aussi simple que ça. Les résistances locales reçoivent donc l'aide américaine, logistique et matérielle évidemment, dans les nombreux points du globe précités, auxquels il faut ajouter évidemment l'Afghanistan. Chapitre 2. État des lieux de 1982. Si l'on doit établir une origine à toute chose, il semble que soit admis l'idée que la première étincelle de la guerre au Liban remonte à 1975. Le 13 avril, un autobus palestinien portant quelques éléments armés traverse un quartier chrétien. Défi avec les milices chrétiennes, accrochage. Très vite, la gauche libanaise, les chefs musulmans et les palestiniens lancent l'anathème contre les phalangistes en les accusant d'isolationnistes. Dès le lendemain, des commandos palestiniens chassent de leur maison des chrétiens. Premier échantillon de déplacement de population au Liban. Tour à tour, on déplacera des chrétiens, des musulmans, des chrétiens, de simples pions sur l'échiquier sanglant. De la provoque en autocar, on passe à l'aviation et à l'artillerie lourde. 5 ans plus tard, les morts se comptent de part et d'autre par centaines, par milliers. Israël et la Syrie cherchent tour à tour à se rendre maîtres militairement de la situation. Au milieu, l'ONU imprime des résolutions à tour de rotative, résolutions qui vont bientôt voler en éclats. Juin 1982, c'est le début de l'opération Paix en Galilée. L'armée israélienne parachève au Liban son invasion, en dépit du cessez-le-feu conclu en principe samedi soir avec les Palestiniens. La présidence de la République libanaise se trouve à quelques 10 km au-dessus de Beyrouth, sur la grande route qui conduit à Damas. Les Israéliens ont pris position à proximité du palais présidentiel. Les soldats israéliens se trouvent donc maintenant à 2 km des avant-postes des milices chrétiennes de Béchir Gemayel. Dans les territoires envahis par Israël, notamment les villes de Saïda et de Tyr, le sort des populations civiles semble ce matin particulièrement aléatoire. Une agence de presse parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées. La Croix-Rouge internationale évaluerait à 1 000 000 de morts le bilan des victimes pour la seule ville de Saïda, où les combats d'ailleurs se poursuivent apparemment à l'heure qu'il est. Bientôt, l'opération se traduit par un siège de Beyrouth Ouest. Cela fait des années que la population civile trinque. Le 16 septembre 1982, l'Occident, bien tardivement, ouvre les yeux. L'horreur à Beyrouth. Plusieurs centaines de Palestiniens, des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, l'OLP parle de plus de 1 000, donc ces personnes ont été massacrées vendredi soir et samedi dans les camps de réfugiés de Sabra et de Shatila, dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur place, l'envoyé spécial de Radio France, Yves Loiseau. Qui est responsable du massacre de Sabra à Beyrouth-Ouest? C'est la question que tout le monde se pose dans la capitale libanaise. Selon des témoignages que j'ai recueillis sur place, les derniers réfugiés qui fouillaient le camp palestinien en fin de matinée accusaient les milices du commandant Haddad, dissident chrétien de l'armée libanaise, qui depuis des années collabore avec le gouvernement israélien dans le sud du pays. Mais d'autres témoignages, recueillis notamment auprès de l'armée israélienne, mettent en cause les phalanges, les forces libanaises de feu Béchir Gemayel. Personne n'est en mesure ici d'indiquer les réels auteurs de ces massacres, qui ont coûté la vie à plus de 50 personnes selon un lieutenant de l'armée libanaise, à une centaine de personnes selon d'autres témoignages. Dans les camps palestiniens, c'est l'exode. Les rares réfugiés qui restaient encore dans les ruines ont fui vers le nord, vers le centre-ville, pour tenter d'échapper à de nouvelles exécutions. En fin de matinée, à quelques 100 mètres de l'endroit des massacres, les soldats israéliens ont rassemblé dans le stade de la cité sportive tous les hommes en âge de porter des armes qui vivaient il y a quelques semaines encore près des bureaux de la résistance palestinienne. Une rafle sans précédent dans un décor dantesque au milieu des ruines et des chars lourds israéliens. Mais quelle est la version israélienne de cette tragédie? Le téléphone de notre correspondant, Shalom Cohen. Ce qui ressort de la version israélienne officieuse, c'est que les plus hautes autorités militaires ont fait montre d'une monstrueuse erreur de jugement à Beyrouth-Ouest en laissant les milices chrétiennes pénétrer les camps de réfugiés palestiniens. Il aura fallu, selon un témoin israélien, plus de 2 heures de tuerie pour que le commandant militaire israélien se rende compte de ce qui se passait. Il sommait les phalangistes à quitter les camps, mais ce n'est qu'à l'aube que des unités israéliennes ont pénétré à l'intérieur des camps pour obliger les milices chrétiennes à cesser le massacre et à se retirer. Extrait du témoignage de Niad Ahmad, qui habite aujourd'hui toujours à Shatila. J'avais 23 ans. Dans la nuit de jeudi, nous nous sommes réfugiés à la périphérie nord du camp. Au petit matin, quand nous sommes retournés chez nous, les bombardements avaient cessé. On entendait parfois quelques tirs isolés, au coup par coup. Et puis, il y a eu les hurlements d'une femme du côté de la mosquée. Elle avait les cheveux en bataille, les vêtements déchirés, couverts de sang. Elle avait l'air d'une folle. Elle a dit que ses enfants avaient été égorgés sur ses genoux. Elle ne savait pas comment elle-même avait la vie sauve. Les miliciens avaient l'insigne du cèdre sur l'épaule. Ils parlaient l'arabe avec un accent libanais. Ils s'interpellaient entre eux. Leur nom n'était pas juif. Les Israéliens assuraient un cordon de sécurité. Eux sont entrés et ont sévi. Au couteau et à l'arme blanche. Pour que le massacre se déroule en silence. أقسم بالبرق وبالرعد النابل من صدر الشهداء نحن الدار أقسم بالسيف المرفوع بوجهك يا غضب الصحراء نحن الدار أقسم بالبرق وبالرعد النابل من صدر الشهداء نحن الدار أقسم بالسيف المرفوع بوجهك يا غضب الصحراء نحن الدار أجال البحر يصارعنا ويطاردنا أجال البحر يصارعنا ويطاردنا لكننا أقوى من سمك القرش القرش من يقتسم تراب الأرض من يغتصب تراب الأرض ستكون نهايتهم الناشي الناشي Thank you. المسجد فلبوا النداء فلسطين أهدوا علينا جميعا فلسطين أهدوا علينا جميعا فإما الحياة وإما الردى Chapitre 3. Comment perdre avec tous les atouts en main. Au lendemain de la guerre du Liban, les États-Unis peuvent se frotter les mains. Ils ont repris l'ascendance stratégique dans la région. Israël est plus fort que jamais. L'Égypte s'est ralliée depuis Camp David. La Jordanie est fragilisée. L'Arabie Saoudite et le Golfe sont favorables aux États-Unis. L'OLP, quant à elle, a subi de rudes coups. Le Liban est maintenant dirigé par les phalanges. Enfin, l'Irak et l'Iran s'épuisent mutuellement dans un conflit meurtrier et interminable. Il n'y a guère que le Yémen du Sud et la Syrie pour se dresser encore contre les projets américains. Le 21 septembre 1982, Ronald envoie ses boys se dérouiller sous le soleil de Beyrouth. Après avoir laissé entendre durant plus de 36 heures qu'il soutenait le redéploiement à Beyrouth des casques bleus de l'ONU aujourd'hui stationnés au sud du Liban, les États-Unis ont donc malgré tout finalement opté pour la reconstitution de la force multinationale qui avait déjà surveillé le départ des Fedaïns de Beyrouth. Ronald Reagan est venu lui-même communiquer hier en fin d'après-midi sa décision de renvoyer les marines dans un discours radio-télévisé annoncé à la dernière minute. Le président, l'air sincèrement touché par le massacre des civils palestiniens, a simultanément lancé un avertissement très clair à Jérusalem, affirmant que le succès de l'opération dépendait du retrait immédiat des troupes israéliennes de la capitale libanaise et de ses environs. Et en privé, les dirigeants américains ajoutaient sans préciser qu'en cas de refus, Ronald Reagan était désormais prêt à aller très loin dans d'éventuelles sanctions. Le président américain n'a pas justifié les raisons de son choix. Manifestement, pourtant, s'il a finalement opté pour la force multinationale au lieu de la finule, c'est qu'il a estimé que d'une part, cela soulignerait mieux la détermination de Washington à jouer un rôle actif dans la région, et que d'autre part, parce que plus crédible aux yeux de Jérusalem, une telle force multinationale pourrait précisément encourager le gouvernement Begin à se retirer du Liban. Retrait des troupes israéliennes demandées par les États-Unis, du coup les alliés d'hier commencent aujourd'hui à se regarder en chien de faïence. D'Israël, le coup de téléphone de l'envoyé spécial de la radio romande, Shalom Cohen. Le cabinet israélien a examiné aujourd'hui la nouvelle controverse avec Washington. Il condamne unanimement la tentative américaine de faire dépendre l'assistance économique et militaire à Israël du progrès des négociations au Liban et du plan de paix du président Reagan. Au sein de l'administration américaine, on accuse Israël ouvertement de bloquer les négociations sur l'évacuation des troupes étrangères du Liban. En début de décennie 80, les relations USA-Israël semblent des plus ambiguës. On témoigne ce coup de téléphone de Jean-Claude Buffle depuis Washington au moment de la démission d'Ariel Sharon. Ces derniers jours, l'attitude de l'opinion informée américaine et pas seulement juive face aux événements en Israël a été paradoxale. Elle les a suivis avec une attention passionnée, comme si le destin de l'État hébreu la concernait intimement, en même temps qu'elle se refusait dans son immense majorité à prendre parti, comme si la réaction du gouvernement Begin devait être une affaire purement intérieure. Même paradoxe au département d'État, il souhaitait clairement le départ d'Ariel Sharon en qu'il voit un obstacle majeur au retrait des troupes israéliennes du Liban, mais il semble penser ce matin que la perte de son portefeuille ou même son départ éventuel du cabinet ne mènera ou ne mènerait pas à un assouplissement notable de la position israélienne. Timidement, presque plaintivement, le Washington Post de ce matin s'interroge: est-il prématuré de dire qu'Ariel Sharon et la tendance qu'il représente dans la société israélienne ont reçu un coup dont ils ne se remettront pas? Mais il ne répond pas à la question. Un éditorialiste du même journal affirme pour sa part que la diminution de la capacité de Sharon à passer sur le ventre de tout le monde devrait changer quelque chose. Mais cette année 1983 marque aussi le début d'une période très rude pour les États-Unis. Le 18 avril, une voiture piégée détruit une partie de l'ambassade américaine à Beyrouth. Au micro, Jean-François Moulin. Entre 32 et 40 morts, près d'une centaine de blessés, c'est le bilan de l'attentat perpétré hier contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. Un acte terroriste qui pourrait être l'œuvre d'un commando suicide qui aurait conduit la voiture piégée face à l'immeuble de la mission américaine. L'attentat a été revendiqué par l'Organisation de la Guerre Sainte Islamique, cette même organisation qui s'était déjà fait connaître par des attentats contre des Marines américains présents au Liban. Au moment de l'explosion, les émissaires américains Philippe Habib et Maurice Draper étaient au palais présidentiel. C'est de ce même palais présidentiel que quelques instants après l'attentat, le porte-parole du président Amin Gemayel faisait connaître la réaction du gouvernement libanais. Écoutez. Les auteurs de cet attentat, quels qu'ils soient, seront retrouvés et jugés. Car sur tout le territoire où prévaut actuellement la légalité libanaise, l'âge de l'impunité est désormais révolu. Pensons que le processus de négociation en vue de l'évacuation de toutes les troupes étrangères du Liban ne sera pas interrompu. Et nous pensons que nos amis, notamment les États-Unis, la France, l'Italie et tous les pays qui participent à la force multinationale, ne céderont pas au chantage du terrorisme d'où qu'il vienne. Car cette fois, ça y est, on évoque le cœur du futur de la question, cœur qui palpite ô combien encore aujourd'hui, la question du terrorisme. En attendant, c'est le cœur de 80 personnes qui, lui, a cessé de battre. Aux côtés des morts, on recense plus d'une centaine de blessés. Au milieu de l'année, un accord entre le Liban et Israël est signé en présence des États-Unis. Mais à ce consensus stratégique, la réponse négative ne tarde pas. Le plan Reagan est balayé. Les États-Unis doivent quitter Beyrouth. Ce camouflet atteint également les dirigeants arabes modérés. Et les affrontements reprennent de plus belle, opposant armée libanaise, milices druzes, sunnites. 3 jours de répit vers le mois de septembre laissent espérer aux optimistes que, ça y est, l'intelligence et la volonté de paix ont pris le dessus. Le 23 octobre, ils vont déchanter. Je vous propose d'écouter la déclaration qu'a fait le président Reagan, rentré précipitamment à Washington, après avoir appris l'existence des attentats de Beyrouth. I know there are no words that can express our sorrow and grief. Je ne connais pas deux mots pour exprimer la tristesse causée par la perte de ces splendides jeunes gens. Il n'y a pas de mots non plus qui puissent consoler les familles de ces jeunes gens, a dit le président Reagan. L'explosion de l'immeuble abritant une unité de Marines a fait plus de 200 morts. Reagan réagit en ordonnant un raid contre les bases supposées des combattants Hezbollah pro-iraniens. Et passé les mots de compassion pour les victimes, le 40e président des États-Unis annonce la nouvelle donne. Gerard Chubb est en ce mois d'octobre 83 à Washington. The United States will not be intimidated by terrorists. Les États-Unis ne se laisseront pas intimider par des terroristes. Nous ne devons pas permettre à des criminels et à des bandits internationaux de saper la paix au Liban. Ronald Reagan n'a laissé planer aucun doute quant au maintien des troupes américaines au Liban. Répondant à ses critiques au Congrès qui affirme que la présente administration ne possède pas de politique proche-orientale, le président a réaffirmé que les Marines avaient pour mission d'aider le gouvernement libanais à restaurer sa souveraineté. Le Liban a-t-il aussi souligné est d'une importance vitale pour les États-Unis et leurs alliés et représente la clé à un accord global au Proche-Orient. Le président a donc placé la question libanaise dans un contexte beaucoup plus large, celui de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. La mission des Marines ne sera donc pas modifiée. Ronald Reagan n'a cependant pas exclu que leur nombre puisse être augmenté si le général Kelly le lui recommandait. Un tel renforcement, selon le président, ne serait justifié que s'il permettait d'assurer une meilleure protection aux troupes américaines. L'empressement pour les pays arabes modérés d'enterrer le plan Reagan redonne du tonus au rouge. L'URSS, éclipsée depuis quelque temps, enfouie dans son Vietnam à elle, l'Afghanistan, n'a pu que multiplier les déclarations. Son action sur place est des plus mesurées. Ils reviennent sur scène, ainsi qu'un géant bien plus modeste, la Suisse. Genève, une fois encore, ouvre en ses murs une conférence entre les chefs des partis et les responsables politiques libanais. Parallèlement à l'ouverture de cette conférence, on apprenait hier par la radio israélienne, qui citait le Premier ministre Itzhak Shamir, que les États-Unis avaient demandé à Israël d'accroître son influence au Liban. Alors, comment faut-il, dans le contexte de la conférence de Genève, interpréter cette phrase du Premier ministre israélien de Tel Aviv, les explications de notre correspondant Shalom Cohen? La question n'est pas une simple question d'influence, mais plutôt celle d'une éventuelle intervention militaire. Damas, on le sait, craint une attaque concertée des États-Unis et d'Israël. C'est la radio syrienne qui l'a dit il y a quelques jours, en ajoutant que l'armée israélienne avait concentré des troupes dans la Bekaa libanaise. Depuis le double attentat à Beyrouth, des diplomates américains ont accusé Israël d'avoir bradé le Liban. Le secrétaire d'État, George Shultz, a déclaré notamment que la Syrie a interprété le retrait israélien du Jouf comme un signe de faiblesse et cela l'a encouragé à persister dans son refus à évacuer le Liban. Le Premier ministre Itzhak Shamir et son ministre de la Défense Moshe Arendt démontrent toutefois une prudence inaccoutumée et ils ont repoussé jusqu'ici les pressions américaines. La visite en Israël de Lawrence Eagleburger, sous-secrétaire d'État américain, attendue aujourd'hui à Jérusalem, devrait clarifier le rôle israélien au Liban. D'une ascendance incontestable au début des années 80, les États-Unis auront perdu énormément en quelques années. Mais le ver est dans le fruit, c'est au sein même de la Maison-Blanche que se situent les tensions et les hésitations entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État à la Défense. Un ton plus dur, celui de Reagan, par rapport à celui de Carter, pour un État plus affaibli et destiné à devenir, pour les années à venir, qui sait, une cible parfaite. Progéniture adorée de son père tragiquement décédé, Hank Williams Jr. reprit le flambeau et est encore aujourd'hui l'un des ténors du genre. Il chante Secret Agent Man. Proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.